synchronisés, hermitains au platine. Bouge ton squelette, ta chère on taquine. Abuse pas son maquillage, c'est pas Halloween. Allo, oui, nana, nana, elle est là. J'suis allé avec ma vodka, n'a pile là. Non mais toi, allo quoi. On veut tous la vie d'Aloca. Tunti, dirim, rêva. Ma crêpe night est sur la piste, tout le monde est corta. Fais péter le son dans ton poli d'où ta porta. Abuse pas sur la boisson, t'as mangé l'oubia. Elle est là, il nage de l'yom. Évite les herrera, ou la blonde. PG sont des vrais bonhommes. سيرت البلاد وسولهم راي راي شيري انا وندير شي حلالي لا على بالي شبيك تهضر هادي ما في يوم نسهر وندير شي بغي يسمع على بالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصرالي. Sous le soleil de la tête aux orteils, on déverse du bon son dans tes oreilles. On n'est pas nos vernis, c'est des bouteilles. Demande à Recta de se pisciser comme s'ils souviennent pour qu'ils se souviennent. On va jouer à la Voltesse, en tête de cortège, tu plaides à la tête. Sous la piste, on t'emmène, tu crois dans un rêve. Les bêtes passent, c'est pas, je t'arroule à serre, je n'aime. Viens t'enjailler, soirée de ouf, laisse-toi aller. Que du plaisir pour tes oreilles, ça ne fait que commencer. Viens t'ambiancer, au plat de c'est danger. Oh putain!